Chapitre 20. Système Hetzal, le Third Horizon. Le droïde d'assemblage mit en place le morceau d'épave, appliquant des ajustements précis aux petits fragments de métal avec ses bras manipulateurs. Comment l'appareil s'y prenait-il pour savoir où placer la pièce dans le puzzle qu'il assemblait ou pour comprendre la nature originelle de chacun des morceaux récupérés? La tâche appartenait à un circuit informatique de motivateur avancé et dépassait les limites de ce qu'Elzar Mann pouvait appréhender. Pour lui, un morceau de duracier déchiqueté ressemblait à n'importe quel autre. L'opération paraissait en bonne voie, cela dit. À l'intérieur d'une grande zone rectangulaire éclairée par d'énormes projecteurs, la silhouette du vaisseau qui avait été le Legacy Run devenait clairement visible. Une douzaine de droïdes d'assemblage s'affairaient à extraire les morceaux d'épave de la soute d'un énorme cargo stationné juste hors de portée des lampes. Un par un, ils inséraient les résidus de métal et de plastoïdes dans la zone de reconstruction. Certains étaient grands comme un compartiment, d'autres se limitaient à un simple fil métallique. C'était à croire qu'ils s'efforçaient de rebâtir l'appareil à partir des débris récupérés ça et là. Ce qui était plus ou moins leur mission, à vrai dire. On avait récupéré l'épave de l'accident initial de Hetzal lorsqu'elle était sortie de l'hyperespace, localisée par un immense réseau de satellites, de stations d'observation et de télescopes. Le système provenait des efforts improvisés d'un autochtone apparemment brillant, du nom de Kevin Tarr, qu'il avait échafaudé pendant le désastre. Ce jeune homme pâle et discret se trouvait en ce moment même à environ un mètre à gauche d'Elzar. Et il n'était pas seul. Tout un groupe s'était rassemblé pour identifier le vaisseau détruit, et ses membres fixaient en silence l'appareil abîmé au travers d'un écran sur le pont d'observation du Third Horizon. Il n'en restait pas grand-chose. Les droïdes avaient beau faire de leur mieux, de nombreuses parties du Legacy Run avaient été détruites en percutant des objets du système Hetzal ou propulsés au dehors, disparaissant avant qu'on puisse les retrouver. Certaines avaient ressurgi dans d'autres systèmes, lors de l'une des 18 émergences dénombrées à ce jour. On les avait elles aussi rapportées ici lorsque c'était possible, mais il devait en rester bien davantage dans l'hyperespace, attendant d'émerger à leur tour et de semer la dévastation dans d'autres régions de la bordure extérieure. C'était là toute la nécessité de reconstituer l'épave. Estimer combien il en restait encore à trouver, afin de savoir à quel point la situation pouvait s'aggraver. Elzar remarqua que l'un des plus petits fragments s'était en partie détaché, sans doute perturbé par les propulseurs d'un droïde d'assemblage ou déplacé par une rafale de vent stellaire. Il leva la main pour effectuer un geste subtil, la pièce reprit sa place comme guidée par des doigts invisibles. Sentant des regards peser sur lui, il jeta un coup d'œil à droite et vit Maître Avar Kriss qui l'observait. Bien sûr, elle l'avait senti employer la force. Il s'agissait d'un des dons d'Avar parmi tant d'autres. Elle appelait ça le chant de la force, une symphonie qu'elle entendait constamment. Elzar lui adressa un clin d'œil. Avar leva les yeux au ciel, mais ses lèvres s'incurvèrent en un léger sourire. Elle ne pouvait s'en empêcher. Il savait qu'Avar trouvait parfois frivole l'usage qu'il faisait de la force, mais il ne comprenait pas ce point de vue. Quand on était capable d'utiliser la force, eh bien, on était en droit de le faire. Quoi ? Il aurait fallu se retenir et attendre des occasions spéciales ? Ce n'était pas comme si elle risquait de s'épuiser. Là où Avar entendait un chant, Elzar voyait un océan d'une étendue et d'une profondeur infinie. La force n'avait ni commencement ni fin, et il était impossible de la tarir. Par conséquent, si le chevalier Jedi Elzar Mann pouvait aider des droïdes d'assemblage dans le besoin en poussant un objet grâce à la force, pourquoi s'en priver? Où était le mal? Et Avar pensait la même chose, même si elle ne l'aurait jamais avoué. Son petit sourire exprimait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Quel pourcentage du Legacy Run avons-nous là ? S'enquit Jeffo Lorillia, secrétaire des transports de la République. Le pauvre paraissait tendu. Un des muscles de son front démesuré semblait désormais pris de tressaillements permanents. On pouvait le comprendre. Le travail de cet homme consistait exclusivement à garantir une circulation sûre et fiable dans toute la République. Et voilà que la chancelière venait d'étendre de 50 parsecs le blocus spatial de la bordure extérieure après la 18e émergence près de Dantwin. Kevin Tarr consulta le datapad qu'il tenait. J'ai ici les schémas de la superstructure du vaisseau, ainsi que le manifeste de la société d'expédition qui détaille sa cargaison. Je dirais que nous en avons retrouvé le tiers. Notre cerveau embrasse l'ensemble de la silhouette que nous reconstituons ici, remplit les blancs, et nous dit que c'est un vaisseau complet que nous voyons, mais en réalité nous n'en avons pas tant que ça. Elzar songea que le spectacle ressemblait au spectre d'un vaisseau. Mais il décida de s'abstenir d'exprimer cette observation dans un système qui venait de perdre tant de ses habitants. Abdalis avait connu pire, naturellement, avec 20 millions de victimes sur son monde premier, une effroyable tragédie. Mais Ezzal avait subi d'énormes dégâts. Et il y en aurait encore tout le long de la bordure, apparemment. Nous risquons donc d'y passer une éternité, dit le sénateur Nour d'une voix qui confinait au gémissement d'angoisse. Le représentant de la bordure extérieure comprenait les conséquences d'une fermeture de l'hyperespace aussi bien que le secrétaire Lorillia. Certains considéraient déjà ces mondes comme des trous perdus. Alors si on ne pouvait même plus s'y rendre, la galaxie contenait énormément de mondes. Il n'était pas difficile d'oublier un secteur entier le cas échéant. Nous n'en savons rien, sénateur, intervint Avar. L'enquête vient à peine de commencer. Le sénateur Nour lui jeta un regard noir. « Et pendant ce temps, madame la Jedi, cracha-t-il, le malheureux peuple tourmenté de la bordure extérieure, dont l'existence même dépend des voies de circulation, se rapproche à chaque instant du chaos. On me rapporte déjà que certains thésaurisent les denrées sur de nombreux mondes et l'impact économique s'aggrave chaque jour. » Nour désigna par la verrière les vestiges du Legacy Run, éclairés par les projecteurs et flottant dans l'espace. Pourquoi sommes-nous là, du reste? Ce n'est que l'épave d'un cargo. En quoi est-elle importante? C'est là-bas que vous devez vous rendre, pour découvrir ce qui s'est passé, trouver le responsable. Vous pensez que la catastrophe procédait d'un acte délibéré, sénateur? Demanda Elzar. D'une attaque? Nour leva les bras au ciel. « Quelle autre conclusion devrais-je en tirer ? Ezzal est le cœur agricole de la bordure extérieure. Peut-être qu'une autre planète, plus proche du noyau, a fini par convoiter le flux de crédit qui s'y dirigeait et a entrepris de saboter nos réserves alimentaires. Peut-être s'agissait-il des Selkas, irrités que la perspective du Bacta puisse ruiner leur activité. Tout ce que je sais, c'est que ni la République, ni les Jedi ne font quoi que ce soit pour trouver le coupable. » Vous passez votre temps à lorgner l'espace. Qu'est-ce que vous faites là, d'ailleurs? Vous ne comptez pas parmi le comité de la chancelière. Je vous assure, sénateur, que cet homme ne se contente jamais de lorgner quoi que ce soit, déclara Avar. Laissez-moi vous présenter Elzar Mann, un chevalier Jedi que je connais depuis fort longtemps. Il était présent ici, dans ce système, pendant la catastrophe. Il a joué un rôle essentiel en aidant les Jedi à empêcher le fragment plein de Tibana de percuter le soleil. Sans son énergie, Ezzal ne serait plus. « Nous avons tous fait notre part », murmura Elzar. Mais au fond de lui, il était ravi qu'Avar ait remarqué sa participation. Des dizaines de Jedi travaillant de concert au moment crucial. Non, des milliers en vérité, si ce qu'elle lui avait rapporté était exact. Et malgré tout, elle savait ce que lui avait fait en particulier. Bien sûr, dit le sénateur Nour. Nous apprécions vos efforts. Mais je persiste. Le temps nous est compté. Après tout, le précieux flambeau stellaire de la chancelière se languit au beau milieu de l'espace, attendant d'ouvrir ses portes. Et si c'était lui que percutait une émergence, hein? Je suis sûr que dans ce cas, vous vous agiteriez enfin, vous autres. Elzar Mann tendit le bras et posa la main sur la bouche du sénateur. Au-dessus de ses doigts, il vit l'expression choquée de l'homme dans ses yeux écarquillés. « Chut !» dit Elzar. « Nous nous agitons, je vous le promets. Mais pas de façon visible pour vous. La Force ne ressent pas le besoin d'annoncer ce qu'elle s'apprête à faire. Elle agit, c'est tout. Il retira la main. Le sénateur se mura dans un silence stupéfait, ce qui était le but. En fait, toutes les personnes présentes semblaient surprises elles aussi. Parfois, Elzar trouvait nécessaire de rappeler aux gens que, malgré toute l'importance qu'ils s'accordaient à eux-mêmes, ils restaient des individus comme les autres. Il aurait sans doute pu obtenir le même résultat grâce à une manipulation mentale, car l'esprit de Nour paraissait faible comme celui de la plupart des politiciens. Mais Avar n'aurait pas du tout approuvé, et il le savait. En temps normal, cela n'aurait pas eu d'importance. Avar Kriss était une amie de longue date, ce qui signifiait qu'ils pouvaient se trouver en désaccord, voire se quereller comme des scrirates en train de faire leur nid, sans que cela n'affecte aucunement leur relation. Mais à présent, ici, les choses étaient différentes. Le Conseil avait confié à Avar la gestion de la réaction des Jedi face aux émergences, en raison de son intervention lors de la catastrophe du Legacy Run. C'était une mission infiniment délicate, et quel partenaire avait-elle choisi pour mener son enquête? Oh, nul autre que le chevalier Jedi Elzar Mann. Pourquoi cette décision alors? Elzar croyait savoir. Lui et Avar s'étaient longtemps côtoyés, certes. Ils s'entendaient bien et lui-même maîtrisait nombre de techniques de la Force, dont certaines tout à fait obscures, mais ce n'était pas pour ces raisons selon lui. Bien d'autres Jedi étaient tout aussi qualifiés que lui. Elzar pensait qu'Avar l'avait sélectionné parce qu'en se distinguant dans cette mission, il pourrait atteindre le véritable but dont il se souciait parmi les Jedi. Devenir maître. Une fois maître, on pouvait se livrer aux études de son choix et progresser sur la voie de la Force à sa façon. En fait, c'était exactement ce que le Conseil attendait de ses maîtres. Ce statut ressemblait à un paradis, mais un paradis qui demeurait jusqu'ici hors de portée. Briller lors de l'enquête sur le Legacy Run, montrer au Conseil qu'il pouvait aider l'Ordre à tendre vers ses objectifs aussi bien que viser les siens, cela pouvait faire une énorme différence. En d'autres termes, Avar Kriss l'avait choisi comme partenaire parce qu'elle s'efforçait de l'aider. Et Elzar ne souhaitait pas lui donner la moindre raison de regretter cette décision. Par conséquent, aucune manipulation mentale. Du moins tant qu'il existait d'autres solutions. « Je suis doué pour anticiper les problèmes, sénateur, » dit Avar. « Mon collègue ici présent, Elzar Mann, est doué pour les solutions. Il a tendance à trouver des moyens uniques pour surmonter la plupart des obstacles, des chemins que d'autres ne verraient pas. Je vous promets que nous allons élucider le mystère. Comme vous l'avez dit, le temps presse. » Elle se retourna une fois encore vers les restes du Legacy Run. « Je vois ici deux problèmes à résoudre. Tout le reste dépend d'eux. En premier lieu, les émergences. Nous devons nous assurer que rien de ce qui s'est produit sur Edzal et Abdalis ne puisse se répéter. Deuxièmement, il nous faut découvrir ce qui provoque les émergences, et donc ce qui pourrait bien avoir causé la catastrophe d'origine. Je crois que cette épave pourrait nous y aider, mais il ne s'agit que d'une intuition. Je ne suis pas une scientifique pratiquant une autopsie. Pourtant, je sais que l'on peut tirer des informations stupéfiantes des matériaux les plus minuscules à condition d'y appliquer l'analyse adéquate. L'avons-nous fait ? Oui. Des techniciens de ma section passent en revue les données. Et chaque nouveau morceau découvert nous en apprend davantage. Répondit le secrétaire Lorillia. Rien de concluant jusqu'ici, mais il existe peut-être un moyen facile d'obtenir une vue d'ensemble plus nette. Il désigna un écran vide dans la salle où s'affichait un schéma détaillé du Legacy Run sous sa forme d'origine, avant sa destruction. Les cargos de cette classe sont équipés d'un enregistreur de données de vol dédié, extrêmement robuste et spécifiquement protégé pour survivre au pire désastre. Il pourrait nous en dire plus concernant les derniers moments du Legacy Run avant sa désintégration. C'est ce que je me disais également, secrétaire. Mais les droïdes d'assemblage ne l'ont pas encore retrouvé, expliqua Keventar en parcourant ses notes. Il pourrait déjà avoir émergé ailleurs, à moins qu'il ne dérive encore dans l'hyperespace. Impossible à dire, ajouta Lorillia. Nous ne pouvons qu'attendre en espérant le retrouver. Eh bien, reprit Kevin, j'avais justement une idée à ce sujet. Le réseau de surveillance que j'ai mis en place pendant la catastrophe était conçu pour surveiller le système solaire tout entier en temps réel, ainsi que pour suivre chaque débris d'aussi près que possible. Pour détecter de nouveaux fragments lorsqu'ils émergeaient de l'hyperespace et suivre leur trajectoire. Voici à quoi le résultat ressemblait pendant le désastre. Il leva son datapad et activa la fonction de projection pour afficher une image plus vaste du système. De longues lignes minces traversèrent le système Hetzal, toutes dirigées sur des trajectoires en courbe douce vers les trois soleils en son centre. Il y a là une quantité de données. Et quand je les relis aux 18 autres émergences, il tapota son datapad et l'image changea, s'étendant pour englober une bonne section de la bordure extérieure. D'autres lignes apparurent ici et là, 18 séries en plus de l'éventail mortel du système Hetzal. Nous obtenons une sorte d'image à grande échelle. Je ne l'ai pas encore, je ne dispose pas de la puissance de calcul. Mais si nous pouvions obtenir assez de droïdes, probablement des navidroïdes, parce qu'ils sont doués pour calculer les trajets hyperspatiaux, je pourrais peut-être en déduire l'endroit où se produisent les émergences. Et dans ce cas, nous pourrions les prendre de vitesse, voire trouver l'enregistreur de données de vol s'il existe encore. Tout le monde se tut. C'est très impressionnant, fit Elzar. C'est ce que vous devriez faire. Kevin haussa les épaules. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Pourquoi ça? Je viens de le dire, je manque de droïdes. Il y en a partout. Prenez ceci, intervint le sénateur Nour en désignant les droïdes d'assemblage derrière la verrière. Il m'en faut beaucoup. Combien? Si nous parlons de navidroïdes des derniers modèles, eh bien, 20 ou 30 000, sans doute. Comme je vous l'ai dit, ils sont doués pour ce genre de calcul. Mais dans le cas de droïdes ordinaires ou d'anciens navis, beaucoup plus. Il en faudrait sûrement une centaine de milliers. Et quels que soient les modèles employés, il faudrait les relier pour que l'opération fonctionne. Plutôt compliqué. Nouveau silence. La chancelière nous a dit que nous pouvions utiliser toutes les ressources, pas vrai? Rappela Avar. Oui, mais des dizaines de milliers de navidroïdes, c'est... Grommela le secrétaire Lorilia en faisant la moue et en réfléchissant au problème. D'ombres de ces modèles sont directement intégrés au vaisseau qu'ils secondent. Ils pourraient venir assez vite. Mais pour certains, il faudrait les... La République n'en a pas autant, mais peut-être pourrions-nous en obtenir chez les fabricants. Vous devriez vous y mettre, suggéra Elzar. Plus tôt nous commencerons, plus tôt nous pourrons prévoir les émergences. Nous pouvons sauver des vies et dans l'idéal retrouver l'enregistreur de données. Avar prit la parole. J'ai également réfléchi à une chose qu'a dite la chancelière. Il existe une possibilité pour que ce ne soit pas un problème ponctuel, qu'il y ait un souci avec l'hyperespace de façon plus globale. Avons-nous la moindre idée de la façon de procéder dans ce cas? Je ne suis même pas sûr de savoir où commencer. Si vous voulez vous renseigner sur l'hyperespace, je sais à qui vous devriez parler, répondit le sénateur Nour. Ils ne vivent plus ici, ils ont déménagé dans la bordure médiane quand leur famille a fait fortune, mais je pourrais vous les présenter. Qui est-ce? Demanda Elzar. Le clan San Teka. Ce nom ne m'est pas inconnu. Les prospecteurs? Ils préfèrent le terme d'explorateurs. De drôles d'oiseaux, certes, mais personne ne connaît l'hyperespace aussi bien qu'eux. S'il existe un problème, ils pourront probablement nous aider. Très bien, conclut Avar. Secrétaire Lorilia, voulez-vous bien vous occuper du problème de navidroïde avec Keventar? Elzar et moi allons trouver les San Teka pour voir si nous pouvons apprendre quelque chose. Restons tous en contact. Comme le sénateur l'a fait remarquer, elle considéra une dernière fois l'épave du Legacy Run. Le temps joue contre nous.